Ahmed Bakayoko, étoile d'État, Idriss Diallo, Ahmed Ouattara, Suleiman Kone, alias Solo SS, acoustique. Kenzo Kwadio. Michel Vambano. Nazaiko, yeah, yeah, yeah. Viva! Oya Kinshasa. Anita Madada.